Pandnamai, ou le livre des conseils de Ferid Dinatar. Chapitre 14. De l'humilité et de la société des derviches. Si tu possèdes la science et le discernement, recherche la compagnie des derviches et embrasse leur profession. Note. Ce terme signifie, comme le remarque l'auteur du commentaire écrit en langue turque, celui qui marche dans la voie des commandements de Dieu, c'est-à-dire, celui qui fait profession d'une piété plus parfaite. Fin de la note. Ne fréquente point d'autres sociétés que la leur, évite, autant que tu le pourras, de mal parler d'eux en arrière. L'amour des derviches est la clé du paradis, ceux qui les haïssent, sont dignes de malédiction. L'habit dont se couvrent les derviches, n'est qu'un froc grossier, ils ne se laissent pas entraîner par les désirs et les passions du vulgaire. Comment l'homme pourra-t-il trouver la voie qui conduit au palais du Tout-Puissant, s'il ne commence par fouler aux pieds la tête orgueilleuse de la concupiscence? L'homme qui marche dans la voie de Dieu, ne soupire point après des palais ou des jardins, son cœur ne compte que sur les peines et les privations les plus cuisantes. Quand tu élèverais ton palais jusqu'au ciel, tu n'en seras pas moins enseveli un jour sous la terre. Ta force et ta puissance fussent-elles égales à celles de Rostam, tu seras enfin réduit, comme Béram, au séjour du tombeau. Mon fils, ne perds point de vue l'éternité, ne mets point ta joie dans les biens passagers de ce monde. Sois patient au milieu des afflictions de cette vie, et, dans la prospérité, rends grâce au Tout-Puissant. Béram, auquel l'auteur fait ici allusion, est sans doute Bérangour, qui, après avoir signalé son règne par de grandes conquêtes et des actions d'une bravoure et d'une intrépidité surprenantes, finit misérablement sa vie, étant tombé dans un fossé où son ardeur pour la chasse l'avait précipité. Cela est d'autant plus vraisemblable, que dans ce vers, il y a une allusion manifeste au nom de Bérangour. Toutefois, ce n'est qu'un jeu de mots, car ce prince a été surnommé à cause de sa passion pour la chasse des onagres. Le mot, en persan, signifie également sépulcre et onagre. Saadi a dit dans le Gulistan, il était écrit sur le tombeau de Bérangour, la main de la générosité vaut mieux que le bras de la vigueur. Gentius, dans ses notes sur le Gulistan, cite ce vers d'Omar Khayyam où l'on trouve la même allusion au double sens de sépulcre et onagre. Béram passait toute sa vie à prendre des onagres, voit comme le tombeau à son tour a pris Béram. Chapitre 15. Des signes qui caractérisent l'homme malheureux. Quatre choses présagent une mauvaise fortune. La sottise et la paresse sont des marques d'adversité, comme aussi n'avoir ni parents ni amis, et ne se distinguer par aucun genre de mérite. Ces quatre qualités sont les pronostics certains d'un sort malheureux. L'homme qui ne désire que de se consacrer au service de Dieu, jouira d'un bonheur assuré, celui, au contraire, qui ambitionne l'honneur de bien parler, sera certainement au nombre des malheureux. Quiconque a mis ses passions sous ses pieds, peut combattre avec succès son âme rebelle. Celui qui, en cette vie, met tout son plaisir à se livrer au sommeil ou à satisfaire sa gourmandise, ne pourra, au jour de la résurrection, se soustraire aux flammes de l'enfer. Détourne tes regards de tous les objets de tes désirs, alors tu pourras diriger tes pas vers la cour du Très-Haut. Les succès et la félicité de ce monde précipitent dans un malheur éternel. L'homme qui a embrassé la véritable piété, renonce à la gloire d'une réputation illustre. Mon ami, puisque tu as, pour régler ta conduite, Les préceptes de Dieu et ses défenses, ne suis point les penchants de ton âme corrompue. Écoute les préceptes du Très-Haut que t'enseigne le Coran. Ce monde n'est point le séjour de la joie. Comprends bien cette vérité. Quiconque renonce à satisfaire ses désirs, passera ses jours dans un combat continuel contre ses penchants. C'est-à-dire, comme l'explique le scoliaste turc, qu'il passera ses jours dans une pauvreté volontaire et se contentera de son sort. Chapitre 16. De la mortification et du détachement des choses du monde. Si tu veux, mon fils, parvenir à la véritable grandeur, ferme pour toi la porte du repos. Quiconque ferme pour soi-même la porte du repos, verra s'ouvrir devant lui celle d'un séjour éternel de paix et de bonheur. Est-il un égarement plus grand que celui du mortel qui désire quelque autre chose que Dieu? Mon frère, renonce à la gloire et aux honneurs, rends-toi digne de paraître à la cour du Très-Haut. Celui-là s'avilie et se dégrade, qui se consume dans la recherche des grandeurs, que ta seule ambition soit donc de t'approcher de cette cour divine. Les honneurs et la gloire t'entraîneraient vers les choses viles et méprisables, ils te précipiteraient dans l'amour idolâtre de toi-même. Le moyen d'affaiblir et d'humilier l'âme rebelle, c'est de renoncer aux objets de ses désirs, c'est ainsi que l'on parvient à dompter cette âme insensée. Quand ton cœur sera affermi dans le souvenir du Tout-Puissant, ce penchant vicieux qui t'entraîne vers le mal, demeurera sans action. À celui qui met sa confiance dans l'auteur de son être, il ne faut dans ce monde qu'une bouchée de pain. Contente-toi chaque jour de ce qui est nécessaire à ta subsistance, si tu ne l'as pas, demande-le humblement au Très-Haut. Chapitre 17. Des moyens de combattre la concupiscence. Il n'est que trois armes qui puissent triompher de la concupiscence, apprends-moi à les connaître, et conserve-en le souvenir. Le poignard du silence, le glaive du jeûne, et la lance de la solitude et d'éveil. Tout homme qui n'est point muni de ces armes, ne peut espérer de bonheur pour son âme. Si ton cœur n'est point occupé de la pensée de Dieu, Satan s'approchera de toi et t'accompagnera dans la route. Le monde paraît à ceux qui l'aiment, comme une muraille décorée des plus belles peintures, il leur faut des bouchées grasses et délicates. Celui qui se livre à l'amour de l'or et de l'argent, tombera infailliblement à la fin dans des châtiments douloureux. Quiconque n'agit que dans la vue de l'éternité, recevra de Dieu une gloire infinie. On donne les biens du monde aux âmes basses et abjectes, mais on accorde le bonheur éternel aux hommes vertueux. Le démon, ô mon frère, est ton ennemi, il désire voir un jour ton cou captif dans des chaînes de feu. Le malheureux qui attache ses regards sur les biens de ce monde, comment participerait-il à ceux du monde futur? Mon fils, que la pensée de Dieu soit ton unique occupation, éloigne-toi de toutes les créatures, comme de ces fantômes nocturnes qui portent la frayeur. Dans ce monde, qui bientôt doit être réduit au néant, il faut, a dit l'auteur de l'Anvari Sohili, recevoir avec une égale satisfaction les jouissances et les privations. Tantôt il vous offre une eau rafraîchissante, tantôt il vous place sur un brasier, il vous fait une faveur, et un instant après il vous l'ôte. Il donne et il reprend ses bienfaits sans rougir, il n'a d'autre occupation que de distribuer des dons, et de les ravir à ceux qu'il en a favorisés. Chapitre 18. De la pauvreté et de la patience. Garde-toi de découvrir ton indigence à qui que ce soit, Ne te tourmente point aujourd'hui du mal de demain. Ne t'abandonne pas à l'inquiétude, celui qui te conservera demain l'existence, t'accordera aussi une bouchée de pain. Jusqu'à quand travailleras-tu, comme la fourmi, à amasser des monceaux de grains? Si tu es homme, soutiens donc la pauvreté avec un courage digne d'un homme. Si tu triomphes de toi-même par une entière confiance dans la Providence, elle te donnera chaque jour, ainsi qu'aux oiseaux, ta subsistance. Le véritable fakir remercie Dieu de ses bienfaits, lors même qu'il ne lui donne pour subsister qu'une bouchée de pain azime. Ne te courbe point comme une voûte en présence des riches, de peur que tu ne te trouves un jour associé aux hypocrites. L'homme consacré à la vie religieuse ne compte pour rien l'estime et le mépris des hommes, il n'a point horreur d'un habit pauvre. Celui qui désire l'estime des hommes et une réputation illustre, ne mérite point d'être compté parmi les serviteurs de Dieu particulièrement consacrés à son culte, il n'a rien qui l'élève au-dessus du vulgaire. Si ton cœur est exempt de vanité, des chars et des équipages brillants seront-ils l'objet de tes désirs. Lorsque tu auras détourné ton cœur de l'amour des créatures, alors seulement tu pourras te flatter d'avoir trouvé Dieu. Le Tout-Puissant ne se mettra point en peine de celui que l'appétit des richesses attache au bien de ce monde. L'âme esclave de la concupiscence est semblable à l'autruche, quoiqu'elle participe aux qualités du chameau et de l'oiseau. Elle ne peut cependant ni porter un fardeau ni s'élever dans les airs. Si on lui ordonne de voler, elle s'excuse en disant « Je suis un chameau ». Et si l'on veut la charger d'un fardeau, elle allègue, pour s'y soustraire, sa qualité d'oiseau. Semblable encore à un arbre vénéneux, sa couleur charme le cœur, mais ses fruits sont amers et son odeur désagréable. L'invite-t-on à la pratique des préceptes du Seigneur, elle ne montre que faiblesse et lâcheté, lorsqu'il s'agit de commettre un crime. Elle accourt avec célérité. Le parti le plus sage pour toi est de la retenir dans une étroite prison, et de faire toujours le contraire de ce qu'elle exige. Ce n'est que par la faim et la soif qu'on peut la guérir, il n'est point d'autre moyen pour l'accoutumer à l'obéissance. Entre dans le chemin comme un chameau, et porte ton fardeau, porte le poids de l'obéissance, jusqu'à l'entrée du palais du Tout-Puissant. Il convient de traîner avec courage le fardeau qu'il t'impose, autrement il te faudra tirer la langue, dans les douleurs de l'enfer, comme un chien abattu de soif et de fatigue. Celui qui soustrait son cou à ce fardeau, amasse sur lui-même des trésors de malédiction. Tu as accepté le fardeau de la religion, il ne faut point te lasser de le traîner. Puisque, dans le premier instant, une présomption orgueilleuse, fruit de ton ignorance, t'a fait contracter cet engagement, remue-toi, mon fils, et travaille avec ardeur, ne te livre point à la paresse. Tu t'es engagé par une promesse, ne montre point de lâcheté dans l'accomplissement de tes engagements. Celui qui est négligent dans la pratique de ses devoirs, ne retirera pour fruit de sa conduite que l'égarement et la privation de son espérance. Ton chemin est plein de dangers, des voleurs sont cachés dans des embuscades, prends un guide avec toi, de peur que tu ne restes étendu sur la terre. Le lieu où tu dois séjourner est éloigné, et le fardeau que tu portes est pesant, marche avec ardeur, pour ne point rester en arrière. Celui qui porte dans le chemin une charge pesante, verse à chaque instant des larmes de sang. Tu traînes un cadavre, décharge-toi de ce poids et allège ton fardeau. Si tu ne le fais pas, tu augmenteras la fatigue de la route. Quel est ce fardeau que tu portes? C'est le cadavre de ce monde méprisable. En courant après sa possession, tu t'es rendu digne de mépris et d'opprobre. Lorsqu'il faut vaquer aux exercices de la piété, cours avec ardeur, vole aussi vite que le vent, et abandonne toutes les affaires de ce monde. Chapitre 19. De l'humilité et du renoncement aux vanités et à la parure. Pourquoi, mon fils, ornes-tu ta tête d'un superbe turban? Efforce-toi plutôt, si tu le peux, de conquérir les cœurs. Tant que tu ne renonceras pas à la gloire, aux richesses et aux grandeurs, tu ne saurais te voir élevé au-dessus de tout, ainsi que le bonnet qui couvre le sommet de la tête. C'est-à-dire, être supérieur à toutes les choses du monde. Il est indigne d'un homme de rechercher la parure, celui qui par le corps, donne la mort à son âme. Il n'est point de vêtements qui conviennent mieux au corps qu'une modeste piété, la recherche des choses extérieures ne procure point un bonheur solide. Quiconque aime une vaine parure, et se livre dans ce monde au repos et au plaisir, ne trouvera dans l'autre que peine et infortune, et ne participera point aux délices et à la joie de l'éternité. S'estimer et se louer soi-même, c'est le métier de Satan, celui-là est véritablement un homme qui se méprise lui-même. Satan s'est élevé en disant, « Je suis meilleur qu'Adam », aussi a-t-il attiré sur lui-même une malédiction qui l'accablera jusqu'au jour de la résurrection. Une poignée de terre, par son humilité, a mérité d'être employée à la formation de l'homme, l'ange, pur comme le feu et la lumière, s'est perdu par son orgueilleuse révolte. Satan a été chassé du ciel à cause de son orgueil, Adam, en demandant humblement le pardon de son péché, a trouvé un accès favorable auprès du Tout-Puissant. L'humble prière du repentir l'a élevé en gloire, la fierté de Satan l'a précipité dans le mépris. Un grain tombe-t-il par terre, on s'empresse de le ramasser, les pies qui lèvent fièrement la tête, est coupé et jeté par terre. Dieu demandant au diable ou à Éblis pourquoi il avait refusé d'adorer Adam, il répond, « Je vaux mieux que lui, tu m'as formé de feu, tu l'as formé d'argile. » Voyez le Coran, 38, 75 et suivant. Les rabbins disent que la pénitence est le fondement et la colonne qui soutient le monde, et que sans la pénitence le monde ne subsisterait point. Chapitre 20. Des caractères de la sottise. On reconnaît la sottise à quatre caractères, je vais te les décrire, afin que tu en sois instruit. Ne point connaître ses propres défauts, rechercher avec soin ceux d'autrui, nourrir dans son cœur la semence de l'avarice, et espérer en même temps de participer aux effets de la générosité des autres. Voilà ce qui caractérise l'insensé. Celui qui par son naturel est insupportable à tous ses semblables, sera sans considération à la cour céleste. Quand un homme nourrit en lui-même un mauvais caractère, toutes ses actions n'aboutissent qu'à le rendre odieux aux autres hommes. Note. À la lettre, ses œuvres sont toujours un mauvais visage, c'est-à-dire que quelque chose qu'il fasse, on le voit toujours avec chagrin, et il inspire de l'horreur et de l'éloignement à tous ceux qui le voient. Fin de la note. Un mauvais caractère est, pour celui-même en qui il se trouve, une source d'affliction et de peine qui tourmente l'âme, un tel individu est exclu du nombre des hommes. L'avarice est une des branches de l'arbre infernal, le zakom, et l'avare est semblable au chien qui garde la porte d'un écorcheur. Comment l'avare pourrait-il jouir de l'aspect du jardin de délices? C'est un moucheron qui tombe sous le pied d'un éléphant. Éloigne-toi du penchant infâme de l'avare, si tu ne veux point être compté au nombre des insensés. Markendanarchive.org 2021 d'après Gallica BNF FR et Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial partage à l'identique.